Même si l'été est à nos portes, il est important de penser à notre retraite et de bien planifier notre budget. Service financier Jacqueline Doucet a pour mission de créer votre indépendance financière grâce à des stratégies personnalisées. Nous sommes en mesure d'optimiser votre situation financière en vous proposant une planification complète en placement et assurance. Pour rencontrer une équipe dynamique et souriante, contactez Service financier Jacqueline Doucet au 418-276-6170. Monsieur Jacqueline Doucet et toute son équipe sont très heureux de souligner le 30e anniversaire des promenades du boulevard, un moteur important pour notre économie. Grosse rumeur qui est survenue hier, en fait, c'est à partir d'Ottawa Citizen, un journaliste qu'on dit très très crédible a mentionné que Eric Karlsson voudrait recevoir des offres du Canadien de Montréal et également des Sénateurs d'Ottawa, ce qui est d'autant plus, ce qui est pas vraiment surprenant quand on sait que la femme d'Eric Karlsson vient d'Ottawa. Et pour en discuter, on rejoint notre collaborateur et descripteur radiophonique des matchs des Sénateurs, Nicolas Saint-Pierre. Salut Nicolas. Salut Danny. Nicolas, est-ce qu'il faut porter vraiment, il faut croire à cette histoire d'Eric Karlsson à Montréal? Est-ce que tu y crois qu'Eric Karlsson veut recevoir une offre du Canadien ou bien il va faire comme beaucoup de joueurs autonomes par le passé, il va servir du Canadien pour majorer une offre ailleurs? Ben écoute, considérant que la rumeur provient quand même d'un bonhomme très réputé, là, Donnie Brennan, je pense que Don Brennan a quand même des sources très crédibles. Puis s'il l'a sorti, c'est parce que oui, il y a des fondements là-dessus. À savoir si Eric Karlsson a bel et bien des chances de rebondir à Montréal, ben je pense que le Canadien, tout comme une majorité, je veux dire, d'équipes, la Ligue nationale de hockey, aimerait certainement avoir les services d'un joueur, d'un défenseur d'attente d'Eric Karlsson. Là, à savoir si on voudrait peut-être s'approprier non seulement le joueur, mais également le bagage qui vient avec. Ouais. Là, c'est une autre question. Si on considère qu'on s'est débarrassé de Piqué Subban pour des raisons qu'on pourrait retrouver similairement dans l'univers d'Eric Karlsson. Ben effectivement, parce que j'écoutais ton collègue Alain Saint-Cartier au 91.9 ce matin, puis Alain Saint-Cartier a dit « t'as besoin d'avoir un vestiaire solide si t'accueilles Eric Karlsson ». Oui, effectivement, parce que une des raisons, parce qu'au-delà de Mme Karlsson, qui elle-même vient de la région puis aurait le mal du pays, ben il faut aussi peut-être prendre en considération le fait que Eric Karlsson s'est retrouvé, a décidé de tourner le dos à Ottawa après une offre quand même, sans dire mirabolante, plus qu'intéressante, a tourné le dos pour voir justement éventuellement ce qu'allait être sa valeur sur le marché du joueur autonome. Alors, en s'amenant avec les Sharks de San Jose, ça mène là avec une grosse personnalité, mais son pouvoir décisionnel est beaucoup moindre parce qu'il était déjà entouré, bien entouré. Ce vestiaire-là était composé déjà de personnalités très fortes. Mm. Est-ce que lui aura peut-être réalisé justement que finalement c'était pas nécessairement plus vert le gazon ailleurs que chez eux? Est-ce que lui vient de prendre en considération le fait qu'il était le king ici à Ottawa, puis là, ben, il vient de perdre ailleurs cette aura-là qu'il avait? Ça, faut garder ça en tête. Puis, du fait que, oui, effectivement, doit être bien entouré, c'est que ça va prendre des leaders, un groupe de leaders qui va pouvoir, justement, là, amoindrir un peu l'impact et la personnalité qu'aurait là, Eric Karlsson dans une nouvelle formation. On compare avec Piqué Subban. C'est-tu le même style de joueur? C'est-tu le même style? Parce qu'il me semble que, on entend parler, mais Piqué, c'est très flamboyant. T'sais, c'est un gars qui aime les médias, qui aime un petit peu... Karlsson, c'est-tu le même style? Ben, c'est plus dans le vestiaire. C'est pas mal le même style. Ah, écoute, ouais? Eric aime beaucoup l'attention médiatique et Eric est devenu quand même un personnage avec toute l'attention qu'on lui a donnée ici dans la capitale nationale. Alors, Eric Karlsson, au-delà du joueur de hockey, ben il y a le branding Eric Karlsson, un peu à la manière de Piqué Subban. Alors, Eric Karlsson, on peut dire qu'il a en ce moment deux casques à chapeauter, puis un qui est le joueur de hockey, puis l'autre, ben, qui est la personnalité qui aime beaucoup les flashs des caméras. OK. Donc, est-ce que ce compte-là, est-ce qu'il faut quand même croire en Marc Bergevin? Puisque Marc Bergevin, par le passé, il a souvent dit l'attitude. Il a souvent parlé d'attitude. Hein? Puis, il me semble que tu n'emmènes pas un gars de même il s'est débarrassé de Piqué Subban un peu pour ça. C'est pour ça que je me garde une petite gêne. Puis, ouais. C'est sûr, Regarde, Danny, là, j'apprends rien à personne. À chaque fois qu'il y a un gros nom qui se retrouve potentiellement sur un marché ou qui serait transigé, qui serait sur le marché des transactions, ben on pense toujours à une destination qui est Montréal. Fait que c'est sûr que tout le monde s'enflamme, tout le monde s'excite, puis je comprends ça. Mais pour ça que je comprends qu'encore une fois, là, on doit laisser les gens puis les fans rêver, là. Mais si on parle d'une façon réaliste, on garde les choses en face. Je vois mal comment on pourrait amener un Rick Carlson, justement, considérant toutes les raisons qu'on a amenées qui ont expliqué l'échange de Piqué-Souban. Alors, sans dire que c'est totalement le même genre de bonhomme, ben comme j'ai dit précédemment, je pense que c'est deux joueurs qui ont des traits de caractère similaires et qui pourraient justement semer une certaine pagaille à un certain niveau dans un vestiaire. OK. Est-ce que le fait qu'il ait été blessé à l'aine dernièrement durant les séries éliminatoires, ça peut mettre des freins sur certains? Parce qu'une blessure à l'aine, c'est sûr, c'est pas une blessure au genou, là, sauf que tu sais jamais quand est-ce que ça va guérir. Est-ce que tu penses que ça pourrait mettre frein à un gars comme ça pour des contrats de 6, 7, 8 ans? Certainement. Puis ouais. C'est sûr que si on est le directeur général puis on est un gestionnaire d'une formation, on parle de plusieurs millions de dollars, mais on parle d'une somme considérable à investir à un joueur ou, comme tu l'as dit, un défenseur qui a montré des signes, que le corps a montré des signes de fatigue. On sent en tout cas que la mécanique est en train de lâcher. On parle de cette plus récente blessure à l'aine, mais faut pas oublier quand même cette sérieuse blessure au talon d'Achille qu'il a subi. Il est hypothéqué. Il a joué seulement 53 matchs de saison régulière, puis il a quand même raté le match le plus important de son club, les Sharks, en série, là où ça comptait le plus. Alors, je suis certain que en tant que gestionnaire, il y a des directeurs généraux qui pourraient être un petit peu plus frileux à vouloir investir un gros montant d'argent pour un joueur qui pourrait être blessé plus souvent qu'à son club. La seule avantage que je vois, c'est qu'Eric Carlson, ça fait quand même des années, on n'a pas remplacé André Markov à Montréal. Je pense que l'avantage numérique avec Carlson, là, tu viens de régler le problème. Là. Tu viens de régler le problème d'une certaine façon. À moins de me tromper, là, on est toujours à la recherche d'un gaucher. Défenseur gaucher pour pouvoir compléter un chez Weber. Ben là, tu amènes un Carlson, ben t'as une maudine de belle ligne bleue à la droite avec Petrie, avec Weber, mais et Carlson, mais il reste que du côté gauche, ben tu risques d'avoir des problèmes également. Alors, je sais pas si on pourrait peut-être amener. Je pense pas personnellement qu'on pourrait faire jouer un Rick Carlson à la gauche d'une façon régulière. Est-ce qu'on pourrait peut-être amener un Petrie ou un Weber à gauche pour compléter un duo avec Rick Carlson? Là est la question, mais non, écoutez, je pense que oui, c'est bien beau, a priori, mais il faudrait quand même rappeler qu'on n'a toujours pas réglé le problème de la ligne bleue du côté gauche. OK. Nicolas, puisque je t'ai, la dernière fois qu'on s'est parlé, Patrick Roy, il était sur les rangs pour le poste d'instructeur-chef des sénateurs. On a choisi DJ Smith. Question, est-ce que tu penses que les sénateurs ont eu peur de Patrick Roy? Ah, c'est une excellente question, puis c'est une question à laquelle il faut se pencher, mais je pense que dans l'ensemble, dans tout ça, sans dire qu'il a eu peur, oui, je pense qu'on a considéré le bagage d'un Patrick Roy, puis on a certainement pesé le pour ou le contre. Si le directeur général et les membres de l'administration seraient capables de gérer et de travailler main dans la main avec un Patrick Roy, je vous dis pas, puis gardons en tête une chose, c'est que Pierre Dorion, lors du point de presse pour annoncer, DJ Smith nous a bien dit que dans la semaine précédente, on sait tous qu'il avait entretenu, il avait eu un entretien avec Patrick Roy, il nous avait bien dit que Patrick Roy l'avait impressionné. Donc, je pense que ça s'est décidé là au millimètre près, comme ça, puis comme je vous dis, peut-être que le fait que le poids de cette personnalité-là, et peut-être qu'on a peut-être pensé que c'était pas nécessairement la meilleure personne avec qui on pouvait travailler. Alors, peut-être que ça, c'est justement ce qui a fait la différence entre l'embauche et la non-embauche de Patrick Roy. Okay. Dernière question. Les Raptors sont à Oakland ce soir. C'est 1-1 dans la série. Il y a un buzz partout au Canada. J'imagine qu'à Ottawa, parce que tu animes une émission de sport également, que ça doit parler des Raptors à Ottawa. C'est sûr qu'il y a un buzz, on ne sent pas le buzz aussi intense qu'on aimerait peut-être, mais c'est le fun que tu m'apportes là-dessus, parce que aujourd'hui justement, on nous a annoncé qu'il allait avoir une version ottavienne du fameux Jurassic Park, Okay, ouais. Un endroit de prédilection pour les fans, pour se rencontrer, pour regarder le match sur écran géant à l'extérieur. Alors, nous aussi, on aura donc notre fameux Jurassic Park. Ouais. Et c'est encore une fois une bonne nouvelle, un autre signe que, écoutez, c'est un engouement pan-canadien, point la ligne. C'est plus seulement l'histoire d'un club qui appartient à une ville, mais c'est un club qui appartient à une nation. Puis finalement, la capitale nationale, on peut dire qu'elle est embarquée dans la vague des Raptors. OK. Ben, Nicolas, on s'en parle avec l'actualité là demain. Ça fait un énorme plaisir, Danny, n'importe quand. Nicolas Saint-Pierre, descripteur des matchs des Sénateurs.